cabeça choisi mes yeux. Sans jamais penser que c'est qu'on sa vie en moins te cueillir. Moi vine non si vous, moi ti bon amour. Fais-moi penser pour nous, tout ça moi peine mais sans vini fou. Moi ti bon amour, ça rend moi trop jaloux. Fais que en moins changer, jusqu'à demain le soleil qui levé. Ça choisit musique, sans jamais comprendre que c'est qu'on sa vie en moi te cueillir. Moi vine tomber si vous, moi tu vois l'amour. Fais-moi comprendre pour nous, tout ça moi béni mais sans vini pour. Moi tu vois l'amour, ça rend moi trop jaloux. Fais qu'on m'a changé, jusqu'à demain le soleil qui est levé. Non, jusqu'à demain le soleil qui est levé. La vie trop coûte pour nous. Si moi l'amour ça rend moi trop jaloux. Fais moi connaître pour nous. Tout ça moi peine mais sans vie ni fou. Caresse pour vous, bon moi toute sensation, moi pèsatini inspiration, bon moi goût à la vie, continuez pour moi pèsa écrit, dans ces chemins en moins, moi pèsa toujours y veut plus loin.